الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مجيدا. فشهد الله تبارك وتعالى en voyant son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la guidée et la religion de vérité, et il lui a donné des preuves évidentes qui prouvent sa véracité alayhi salatu wa salam. Et parmi ces preuves et ces miracles qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné, il y a le Coran qui est un guide et une guérison pour les poitrines. C'est une guérison contre les maladies du cœur, que sont les doutes et les ambiguïtés, que sont les péchés et les passions. C'est une guérison contre l'oppression, la tyrannie et l'ignorance. Le Coran est une lumière qui éclaire son chemin et qui l'illumine. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Sachez que parmi les choses qui rendent tristes les gens qui s'accrochent et qui sont jaloux de leur religion, c'est que certains musulmans cherchent la réussite dans autre que l'islam, et ils cherchent les délices dans son contraire. Ils mettent du poison sur leurs plaies au lieu de mettre un remède. Ils cherchent la guérison dans les passions et les tentations. Et parmi ces poisons, il y a la musique que beaucoup de gens restent à écouter des heures jusqu'à ce qu'elle devienne leur principale distraction et occupation. Et ces gens-là s'appuient pour se rendre lisses de la musique qui est quelque chose d'interdit en islam. Ils s'appuient sur des paroles de gens dénués de toute raison, ne connaissant rien à la législation musulmane. Ils s'appuient sur des ambiguïtés et des paroles vides qui sont propagées par des gens qui sont éprouvés quant à suivre leur passion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de tout cela quand il dit « Il viendra des gens de ma communauté qui rendront licite la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique » rawahu al-Bukhari. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens parmi les gens de science qui rendent licite la musique telle qu'elle est connue aujourd'hui, celle qui englobe toutes les perversités et qui fait tomber dans la perdition. Ils rendent licite cette musique qui est la voix de Shaitan ou l'Iyadu Billah, et qui rentre dans les cœurs des gens, et qui fait jaillir le mauvais côté de la personne, et la fait tomber dans les passions et la tentation. La musique n'est qu'un bruit et un boucan. La musique n'est qu'une incitation à la débauche, et une excitation au mal. Cette musique qui n'est qu'une poésie, vacarme, cri et vociférations. Les gens dansent dessus et se plient en quatre pour rien. La sueur qui sort d'eux est étouffante. Ce n'est que de la perversité qui assourdit les oreilles. Comment une personne douée de raison peut se laisser entraîner dans cette dépravation et dans cette immoralité, dans cette débauche et dans ce libertinage que normalement les âmes pures et croyantes doivent rejeter et fuir. D'après Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je n'ai pas été interdit de pleurer, mais on m'a interdit de voix stupide et perverse. » La voix qui chante une mélodie, et ceci n'est que jeu, fut-il été voix de Shaitan. Et il m'a été interdit les cris lors d'une épreuve, se griffer le visage, se déchirer les habits, et ceci est le gémissement de Shaitan, rawahu al-Hakim. Et d'après Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, deux voix sont maudites ici-bas et dans l'au-delà. Deux voix sont maudites ici-bas et dans l'au-delà. Chanter lorsqu'on est dans les bienfaits, et gémir, hurler et crier lors d'un malheur, rawahu al-Bazzar. Et les versets du Coran sont clairs quant à l'interdiction de la musique. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et parmi les gens, il y en a qui, dénués de science, achètent de vides paroles, c'est-à-dire la musique, pour égarer les gens hors du chemin d'Allah. Et pour se moquer justement de ce chemin, ceux-là subiront un châtiment à vie longtemps. Et écoutez ce que dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces versets. Il dit, il est interdit de vendre ou d'acheter des chanteuses, ou de travailler dans ce domaine, dans la musique, et les gains de ce travail sont illicites. Et ce verset qui était précédemment est descendu pour cela. Rawahu al-Tabarani. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit au sujet de ce verset, il parle de la musique, il parle de la musique. Walladhi la ilaha illahu. Et sachez que la musique est la voix de Shaitan avec laquelle il excite les gens et les incite à la perversité et au péché. Il convient donc à chaque musulman de s'en écarter, de s'en détourner. Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant du Shaitan, et excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses, et le diable ne leur fait que des promesses mensongères. Délaissez la musique et ses instruments, car ce sont les vents de la perversité, et c'est associé au diable, et ce qui mène à la fornication et à la turpitude. Yazid ibn al-Walid, rahimahullah, a dit, ô Bani Umayya, prenez garde à la musique, car la musique diminue de la pudeur, et rajoute dans les passions, elle détruit la maison, et elle remplace l'alcool, et a les mêmes effets sur la personne, et la rend invisible. Et Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, a écrit au précepteur de son fils en lui disant que la première chose que tu dois leur apprendre, c'est de détester les futilités dont la base vient de Shaytan et dont la fin est la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il m'a été rapporté par des gens de confiance et de science que les instruments de musique et écouter les chansons et le fait d'en faire une occupation fait pousser l'hypocrisie dans le cœur. Fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, walayyadu billah, comme l'eau fait pousser l'air. Et il a écrit une lettre à Omar ibn al-Walid en lui disant le fait que tu laisses et permettes le chant et les instruments se propager est une innovation dans la religion. Et j'ai pensé à t'envoyer quelqu'un pour te briser le crâne. Et parmi les effets néfastes de la musique est qu'elles effacent l'amour du Coran. Car le Coran et la musique ne peuvent cohabiter dans le même cœur. Le Coran est la révélation du tout miséricordieux tabaraka wa ta'ala. Et la musique est la révélation du Shaytan. Et c'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, et quand on lui récite, nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait pas entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais donc lui l'annonce d'un châtiment douloureux. Prenez garde à ne pas tomber dans la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez que le fait de permettre la musique et les chants, et les écouter, est une cause de la colère d'Allah azza wa jal. Et c'est une cause de châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendra un temps où des gens de ma communauté consommeront de l'alcool. Viendra un temps où les gens de ma communauté consommeront de l'alcool et ils l'appelleront par autre que son nom. Et on utilisera des instruments de musique devant eux et des chanteuses et des danseuses danseront devant eux. Et Allah tabaraka wa ta'ala les engloutira et il en fera des singes et des porcs, l'iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura dans cette communauté une humiliation et un engloutissement, et ils commettront des choses monstrueuses, et il y aura une transformation, et il y aura des jets de pierre contre les gens. On lui dit alors, quand cela arrivera au messager d'Allah, il dit quand les danseuses et les instruments de musique apparaîtront, et que l'alcool sera bu. Wad-dahaq rahimahullah a dit, la musique est une perversité pour le cœur, et engendre la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez que la musique n'est autre que la poésie de certains pervers et débauchés. Ils parlent et font l'éloge de tout Allah tabaraka wa ta'ala du test. Et ils se vantent de ces choses-là et de les avoir commises. Et il se peut qu'ils fassent des 100 chansons qui contiennent des paroles de mécréance et qui défient et qui sont contraires à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé à son prophète. Et vous voyez la mauvaise fin de ces gens-là. Et vous voyez leur vie dépravée. Et celui qui voit clair verra le mal dans leur visage et entendra la perversité dans leurs paroles. Mais celui qui est dupé, Allah tabaraka wa ta'ala dit, et celui qu'Allah veut tenter, qui ne pourra rien faire contre lui, qui ne pourra rien faire pour lui. Et l'imam Malik, rahimahullah, fut questionné au sujet de personnes à son époque qui rendaient critique la musique. Il dit, pour nous ceux qui font cela, ce sont les pervers. Et le fait d'écouter la musique et les chansons à longueur de temps est un des stratagèmes de Shaytan pour égarer le cœur des ignorants du sentier d'Allah. Et pour les égarer de l'écoute du Coran et de sa lecture, l'imam Shafi'i rahimahullah a dit, j'ai laissé dernièrement à Bagdad une chose pour inventer les charlatans et qu'ils appellent Tarbir, et ils éloignent avec les gens du Coran. Et le Tarbir, c'est le fait qu'une personne chante en tapant sur un morceau de peau sèche. Alors que dire de la musique d'aujourd'hui qui est comparable à l'alcool? Et ils appellent ça de l'art. Alors que ce n'est que des passions et des paroles sales qui n'apaisent aucun cœur et qui ne tranquillisent aucun être. Voyez comment les raisons se sont égarées et les compréhensions se sont dissipées. Et sachez aussi que l'ouïe est un dépôt et un grand bienfait de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla ordonne de le préserver et il nous informe que nous serons questionnés dessus. Et le fait d'écouter la musique, les chansons et ses instruments, et ne pas reconnaître et renier ce bienfait. Et c'est d'utiliser ses oreilles dans la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fornication des yeux et le regard, et la fornication des oreilles et l'écoute, et la fornication de la langue et la parole, et la fornication de la main et le toucher, et la fornication du pied et la marche, et tout cela dans la désobéissance d'Allah. Et le cœur a des passions, des désirs et des envies, et les parties intimes rendent cela véritable ou pas. Et sachez qu'on glorifie la musique, et prendre les chanteurs et les chanteuses comme idoles, et les mettre sur un piédestal, est une invitation à l'égarement et à la perdition. Et c'est également obstruer le chemin qui mène vers le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, avec son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui invite à un égarement aura le même péché que celui qui l'a commis, sans rien diminuer du leur. Comment une partie de la communauté peut chanter et danser, alors que de l'autre côté, d'autres se font tuer et massacrer? Une partie de notre communauté est triste, et d'autres sont distraits à écouter la musique et à jouer, et nos lieux-mains sont attaqués matin et soir. Comment leurs cœurs peuvent-ils être encore apaisés? Écartez-vous de l'écoute de la musique et de la voix de Shaitan, et remplacez-les par les écoutes du Coran ou de l'étude de la Sunna du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et soyez parmi les croyants sur qui Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et ceux qui ne donnent pas notre témoignage, et qui lorsqu'ils passent devant des paroles futiles, c'est-à-dire la musique, passent honorablement, et soyez de ceux sur qui Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et ceux qui se détournent des futilités, summa alamu. ثم اعلموا ان الله امركم بالصلاه والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين ويسر أمور المسلمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل مرض شفاء ومن كل دين وفاء ومن كل حاجة قضاء ومن كل ذنب مغفرة ورحمة اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم أبرئ لهذه الأمة أمر رشد اللهم أقل عثرات المسلمين اللهم ارحم المنكوبين والجوعى والخائفين اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون